Moi je vais vous parler des bibliothèques de musées d'art et pas de musées en général, parce que je ne sais pas grand-chose sur les bibliothèques de musées de sciences naturelles, par exemple. Donc on va se contenter des bibliothèques de musées d'art. Je vais vous en parler parce que j'ai fait un stage à la bibliothèque du musée des beaux-arts de Boston. Et à la suite de ce stage, donc j'ai fait un mémoire sur les bibliothèques de musées d'art en France. Donc je vais vous présenter quelque chose d'assez général sur les bibliothèques de musées. En l'occurrence, donc qu'est-ce qu'on trouve dans les bibliothèques de musées d'art? Comment on se procure ce qu'on trouve dans les bibliothèques de musées d'art? Qui va dans ces bibliothèques? Enfin, ce genre de questions assez généralistes. Donc ce qu'il faut savoir à propos des bibliothèques. Donc je vais me contenter du terme bibliothèque de musée au fur et à mesure de la présentation. Les bibliothèques de musées sont des bibliothèques spécialisées, donc au même titre que les bibliothèques administratives ou religieuses, et elles font partie intégrante du musée. Ce sont des bibliothèques de recherche au service du musée. Alors, il y en a 208 en France. Vous pourrez trouver deux grands recensements qui rendent compte de la diversité de ces bibliothèques. Alors, le premier, c'est les sources de l'histoire de l'art. Il est sur le site de l'INHA, il a été actualisé. Je vous le conseille, il suffit que vous tapiez par exemple une ville qui vous intéresse et le site vous sort toute la liste des bibliothèques de musées dans cette ville, il est très très bien fait. Et le deuxième recensement, c'est celui de l'IFLA, donc l'International Directory of Art Libraries, donc qui est sur le site internet de l'IFLA. Alors, il est important de rappeler en introduction que, bien qu'il y ait une concentration parisienne des musées et donc des bibliothèques de musées, les bibliothèques de province jouent un rôle très important. Elles ont chacune leur propre couleur documentaire. Donc, toutes les bibliothèques de musées qui coopèrent jouent un rôle essentiel dans la carte documentaire. Donc, par exemple, la bibliothèque du musée d'art contemporain de Marseille est pôle d'excellence pour les catalogues. Alors, quand je dis catalogue, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, Salomé va vous faire passer des catalogues. Donc, je parle de catalogue de musée, de catalogue d'exposition. Donc, on écarte le terme catalogue dans le sens bibliothéconomique. Donc, la bibliothèque du MAC de Marseille, donc, est pôle d'excellence pour les catalogues du XXe et du XXIe siècle. La bibliothèque du Palais de Lille possède l'intégralité des catalogues des salons de Lille, pardon, et la bibliothèque du musée de Strasbourg dispose d'une production allemande qui est introuvable ailleurs. Donc, il y a vraiment une spécificité pour chaque bibliothèque de musée, quelle que soit sa localisation, que ce soit à Paris ou en province. Cette diversité fait qu'il est aussi difficile d'avoir un discours assez généraliste sur les bibliothèques. Donc c'est ce que je vais tenter quand même de faire. Donc comme je le disais, il est important aussi de retenir que ce sont des bibliothèques qui pratiquent la coopération. C'est institué depuis longtemps et c'est très pratiqué dans les bibliothèques entre bibliothèques de musées. Donc une coopération qui passe notamment à travers l'établissement de catalogues collectifs. Alors il existe par exemple le catalogue collectif des musées nationaux qui recense donc les œuvres que possèdent, pardon, les fonds des 20 bibliothèques des musées nationaux. Il existe également des réseaux locaux. Alors il y a le réseau Brise de Saint-Étienne, qui ne compte pas d'ailleurs que les bibliothèques de musée de Saint-Étienne, mais toutes les bibliothèques de la ville de Saint-Étienne. Il y a également le réseau de Grenoble, à laquelle participe la bibliothèque André Chastel. Il y a également des catalogues internationaux, comme le Virtual Kunstkatalog, le VKK, auquel participe également le Rijksmuseum d'Amsterdam, le Getty Center de Los Angeles ou le Victoria Albert Museum de Londres. Et dernièrement, les collections de la Bibliothèque centrale des musées nationaux, je vous expliquerai rapidement ce que c'est tout à l'heure, de l'INHA, de la Bibliothèque Jacques Doucet et de l'ENS des Beaux-Arts fusionnent. Donc ça, c'est la dernière grande coopération en matière de bibliothèque de musée. Alors, ce qui est intéressant et ce dont on parle beaucoup dans le monde du bibliothèque de musée, c'est l'exemple allemand en matière de coopération, puisque en Allemagne, les acquisitions dans le domaine de l'histoire de l'art sont réparties entre 7 bibliothèques qui couvrent chacune un domaine précis. Donc en matière de coopération, de répartition des achats, ce système a fait ses preuves et on en parle beaucoup en France. C'est un modèle et d'ailleurs pas qu'en France. Alors, rapidement, pour vous citer quelques exemples de bibliothèques de musées en France, donc il y a évidemment la Bibliothèque centrale des musées nationaux qui est au Louvre et qui est la tête de réseau des bibliothèques des musées nationaux. Il y a la bibliothèque Kandinsky à Beaubourg, la bibliothèque du musée d'Orsay. Donc ça, ce sont des bibliothèques, si vous êtes intéressé, que je vous conseille d'aller voir, car elles sont chacune assez importantes dans leur domaine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les bibliothèques de musées d'art? Alors, est-ce que vous avez une idée? Par exemple. Parce que moi, je partais a priori quand j'ai fait mon stage avec justement d'énormes a priori. Je ne savais pas du tout ce qu'on trouvait. Alors, par comparaison avec une BU d'art, dans une BU, on trouve par exemple beaucoup d'ouvrages sur les courants artistiques, sur toutes les diversités de formes d'art. On trouve des ouvrages qui comportent des approches historiques, critiques des courants, des ouvrages consacrés au style, à l'histoire du goût. En bibliothèque de musée, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que la politique d'acquisition est centrée sur l'objet, c'est-à-dire sur l'œuvre en tant que telle, et en général sur les œuvres qui sont dans le musée à laquelle est rattachée la bibliothèque. Donc ça, c'est très important. C'est, je pense, le point le plus important. Une collection de bibliothèque de musée est calquée sur les collections du musée. Donc on ne trouvera évidemment pas les mêmes choses à Orsay, à la médiathèque du Quai Branly, à la bibliothèque des arts décoratifs. Donc, une bibliothèque de musée valorise les ouvrages qui sont liés à ces collections. Donc, ce seront des catalogues de musée. Alors, ça, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, les catalogues de musée, des catalogues d'exposition. Donc, ce sont des catalogues des ouvrages qui présentent les œuvres, alors exhaustifs ou non, c'est-à-dire sommaires pour les plus succincts ou raisonnés pour les plus exhaustifs, et qui présente une description de l'œuvre, ses dimensions, sa date d'entrée au musée, le style, qui présente également la vie de l'artiste. Donc on trouve des catalogues de musée, des catalogues d'exposition, des catalogues de vente, donc qui font la même chose mais qui proviennent d'hôtels de vente, et des monographies, mais sur un artiste en général. Donc ça, c'est vraiment important de retenir que les collections des bibliothèques de musée sont calquées sur celles du musée, et qu'en général, ce sont des fonds de niveau scientifique, puisque, comme je l'ai dit en introduction, ce sont des bibliothèques de recherche qui s'adressent au personnel du musée. Donc ça, je vais y venir aussi ultérieurement. Donc, excusez-moi, je suis un peu stressée. Voilà. Donc voilà, donc ce sont des ouvrages de niveau scientifique, donc il faut savoir que la langue n'est pas un critère. Donc si un ouvrage est pertinent, qu'il soit en allemand, en italien, la bibliothèque se le procure. Donc voilà. Donc les catalogues sont le cœur de fond des bibliothèques de musées d'art. En général, par exemple, à la bibliothèque Kandinsky, elle représente 90% des acquisitions. Donc c'est vraiment énorme. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les bibliothèques? Ça veut dire qu'en fait, la bibliothèque, elle achète tous les bouquins qui sont parus sur une des œuvres qu'elle a. C'est ça, par alors, exemple oui, par exemple, mais en général, les acquisitions sont guidées par les conservateurs de musées. Et c'est eux qui, a priori, au départ, proposent des suggestions d'acquisition, ce dont ils ont besoin pour leurs propres recherches. Et par la suite, selon les budgets de la bibliothèque peut... étoffer son fonds et continuer à prendre des choses qui n'ont pas été conseillées mais qui sont en rapport avec l'œuvre. Donc elle n'achète pas tout parce qu'elle n'a pas forcément les moyens, mais oui, effectivement, le but c'est d'avoir un fonds très complet sur les œuvres du musée. Ça, c'est assez clair ? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre donc, dans ces bibliothèques ? En général, donc des périodiques spécialisées, des bulletins et des rapports du musée, des dictionnaires, des encyclopédies liées aux collections du musée, des répertoires, des dictionnaires, des index. Donc tout ça en libre accès, et là encore je vous le précise parce que c'est très important, c'est-à-dire qu'on trouve des choses qui sont avant tout réservé à un usage professionnel. Et là encore, vous ne trouverez pas forcément les mêmes choses dans les bibliothèques universitaires. Donc c'est une littérature qui est avant tout destinée à un public de professionnels. Alors, comment est-ce que la bibliothèque se procure ces ouvrages spécifiques, que sont les catalogues notamment ? Alors, elle passe par des circuits, notamment deux circuits. Alors, dans un premier temps, elle échange des catalogues avec les autres bibliothèques. Et là encore, c'est pour ça que je parlais de coopération et que c'est très important dans ce milieu-là, parce que les échanges sont la principale façon de se procurer des catalogues en bibliothèque de musée d'art. Donc, elles échangent. Par exemple, la bibliothèque dans laquelle j'ai fait mon stage échange avec 350 bibliothèques dans le monde. La Bibliothèque centrale des musées nationaux échange avec 500 bibliothèques dans le monde, soit 48 pays. Donc c'est vraiment une pratique qui est très très courante et qui permet également la survie de petites bibliothèques qui ne pourraient pas se procurer par achat ce genre d'ouvrage. Oui? Je t'entends, mais bon, je ben pense oui, c'est pas grave sinon. Donc c'est peut-être très bête, mais à quoi ça sert si... J'y connais rien au métier de conservateur de musée, hein, on est bien d'accord. À quoi ça sert J'y d'avoir... connais pas grand-chose non plus. d'avoir les catalogues des autres musées, puisqu'en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est d'informations sur leurs propres œuvres, en fait. Oui, mais il se peut qu'un autre musée ait une exposition temporaire sur une œuvre, ou sur un courant artistique, ou sur un courant ou sur une période donnée, qui est en rapport avec un musée, avec le musée qui commande ses catalogues. Je sais pas, par exemple. Par exemple, voilà, la bibliothèque dans laquelle j'ai fait mon stage, qui est donc la bibliothèque du musée des Beaux-Arts de Boston. Et qui a un département art décoratif, peut échanger des catalogues avec la bibliothèque des arts décoratifs de Paris, par exemple. Donc comment elles se procurent ces ouvrages? Donc par les échanges. Donc comme je disais, les échanges sont une pratique très courante, mais qui tendent aujourd'hui à être mises en question. Alors pourquoi? Bah, tout simplement suite à l'apparition des nouvelles technologies, on observe un déclin des publications papier comme partout ailleurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de catalogues qui sont en ligne. Donc on trouve des catalogues collectifs. Donc là, je vais vous donner une petite typologie rapide qui pourrait vous être utile. Donc des catalogues collectifs comme Joconde, qui est le catalogue collectif des collections des musées de France et qui compte 32 000 notices d'objets, dont plus de la moitié avec des images. Il y a également Musée Nord, donc Joconde, Musée Nord. Il existe également des bases qui recensent des collections, comme Vidéomuséum. Et enfin, on observe aujourd'hui une tendance à mettre en ligne des catalogues. Donc là encore, j'entends catalogue de musées et d'expositions. Donc sur le site de l'INHA notamment, tu me diras, Elodie, si je me trompe, hein, mais je crois bien que les catalogues du Louvre d'avant 1920 ont été mis en ligne, tous. Ils sont sur le point de l'aide, voilà, donc c'est un projet. Sur le site de la Tate Gallery, on trouve aussi des catalogues en ligne dédiés à Warhol, Matisse et Picasso. Donc voilà, donc... Une question, donc, est-ce que ces catalogues, ils sont sous format PDF ou est-ce que c'est vraiment une suite de pages Internet? Enfin, comment la transposition se fait? Question piège. Là, oui, question très piège parce que tu sais que je n'y connais rien et je ne vais pas pouvoir te répondre, Xavier, parce que je risque de dire d'énormes bêtises. Voilà. De ceux qui sont sur les sites ou enfin de Joconde par exemple, bah, c'est une fiche par oui, là c'est vraiment une numérisation du format papier, ça va être mis en état. Bah, ceux-là oui, parce que effectivement ils sont antérieurs. Alors la Tate, justement, ils ont eu de gros problèmes avec les droits d'auteur, avec les ayants droit, et ça a été un combat apparemment de longue haleine. Et effectivement, ils ont, c'est pas libre d'auteur, ils ont reversé des. Oui. Par contre, on peut y accéder, voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, mais là encore, je pense que c'est propre à toutes les bibliothèques, mais les bases de données, les ressources numériques sont un vrai outil de travail en bibliothèque de musée d'art et elles sont indispensables à la veille documentaire. Donc là encore, ça soulève un nouveau problème, c'est que le travail de veille se complexifie face à cette éclosion de nouvelles ressources et que toutes les bibliothèques n'ont pas accès aux mêmes ressources. Alors là encore, tu vas confirmer, je pense, l'INHA a acquis la base artprice.com qui est donc la base de données leader sur l'information du marché de l'art. Or, toutes les bibliothèques ne peuvent pas évidemment acquérir ce type de base de données. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a une sorte de fracture numérique entre les bibliothèques de musées qui ont accès à ce genre de base et celles qui ne l'ont pas. Et je pense effectivement que pour éviter d'en arriver là en France, les bibliothèques de musées doivent songer à établir des sortes de consortia à l'image de Couperin, puisque ces bibliothèques se traduisent vraiment par une grande diversité. On a vraiment des toutes bibliothèques de musées et de plus grosses bibliothèques. Et pour qu'il y ait une harmonie, il faut vraiment songer là encore à renforcer la coopération et à songer donc à créer des consortia. Alors, donc voilà, je vous parlais du premier circuit qui était celui des échanges. Le deuxième circuit est quant à lui lié davantage au marché de l'art. L'autre façon de se procurer des catalogues, évidemment, c'est auprès de maisons de vente, d'hôtels de vente, donc comme Sotheby's, Christie's ou Drouot, auprès de galeries. Et de librairies spécialisées. Alors, c'est très important en bibliothèque de musée d'avoir un bon réseau de fournisseurs, un bon réseau de libraires français et étrangers. En bibliothèque de musée, ces libraires sont plus qu'un simple fournisseur, ce sont vraiment des partenaires de la recherche bibliographique. C'est très très important. Ils ont des liens très proches, ils se tutoient. C'est très important pour se procurer rapidement les ouvrages parce que eux aussi ils participent à la veille. Par exemple, s'ils repèrent un ouvrage qui peut être pertinent pour une bibliothèque, ils appellent la bibliothèque en disant « j'ai vu ça, ça pourrait t'intéresser ». Et ils peuvent également trouver des ouvrages que les bibliothèques ne peuvent pas se procurer. Par exemple, donc la responsable de la Bibliothèque centrale des musées nationaux m'a expliqué que la librairie spécialisée Erasmus à Amsterdam leur a trouvé des catalogues en Estonie, auquel ils n'auraient pas forcément songé. Et c'est vraiment sur leur impulsion qu'ils ont pu se procurer ces catalogues. Quelles sont ces librairies d'art? Je vais vous en citer quelques-unes qui sont les plus connues. Donc, Casalini Libri en Italie, donc Erasmus aux Pays-Bas, et Michael Chamansky aux États-Unis. Donc, ce sont de vrais partenaires des bibliothèques de musées. Alors, les revues spécialisées sont aussi des bons indicateurs bibliographiques parce qu'elles recensent en général toutes les expositions et notamment celles qui font l'objet d'un catalogue à la suite de leur exposition. Donc là encore, quels sont ces journaux? Donc il y a le Journal des Arts, l'Art Newspaper, The Burlington Magazine. Donc, si vous avez vraiment envie, je pourrais vous les donner à la fin de la présentation. La Kunstchronik et le Giornale dell'Arte. Donc, ça, ce sont les plus connus et les plus utilisés comme indicateurs bibliographiques en bibliothèque de musée. Donc, pour résumer, un acquéreur en bibliothèque de musée d'art, il doit avoir évidemment quelques connaissances en art. Il doit bien connaître, et très bien connaître, les sources d'informations pour ne pas laisser échapper un catalogue qui pourrait être utile au musée. Et il doit bien connaître les circuits de distribution du marché de l'art, parce qu'il doit, là encore, compter sur les galeries, pas seulement donc sur les libraires et les autres bibliothèques, mais aussi sur les galeries et les hôtels de vente pour étoffer son fonds et développer sa collection. Enfin, l'acquéreur en bibliothèque de musée d'art doit veiller activement à suivre les expositions pour commander, se procurer le plus vite possible les catalogues, puisque certaines institutions ne publient pas de façon pérenne leur catalogue. Elles les publient en un temps limité suite à une exposition. Donc, si on saute pas sur l'occasion, on peut passer à côté d'un catalogue. Alors, quelle est la ligne budgétaire d'une bibliothèque de musée? Alors, il n'y en a pas réellement de prédéfinie. Elle est autonome et souvent instable. Donc, en général, elle est alimentée par le budget du musée et elle dépend du musée, de ses priorités, de ses activités, c'est-à-dire que s'il y a une grosse exposition organisée par le musée, le budget de la bibliothèque peut parfois en pâtir. Donc elle est en gros vouée au bon vouloir de la bibliothèque, du musée, pardon. Mais elle peut aussi passer par d'autres financements, donc des crédits municipaux comme à Grenoble, puisque la bibliothèque appartient au réseau Brise, qui est un réseau municipal. Elle peut aussi passer par des financements privés comme la Bibliothèque des Arts Décoratifs, ou des financements publics, donc comme la médiathèque du Quai Branly, qui est cadiste. Alors, qui va dans ces bibliothèques? Donc, comme je vous le disais, elle sert les travaux du musée. Donc, le premier public, c'est le personnel des musées. Donc, ne soyez pas étonnés si vous allez dans une bibliothèque de musée, ce qui, moi, m'a frappé au départ, si elle est vide et si elle est interdite au public, parce que ce sont donc les conservateurs, les attachés de conservation, les documentalistes, les commissaires d'exposition qui vont dans ces bibliothèques. Alors, à quoi sert la bibliothèque ? Elle aide à la documentation des œuvres. Elle permet d'acquérir, évidemment, comme je disais, et de mettre à disposition du personnel de musée tous les documents dont ils ont besoin pour une exposition. Par exemple, si un conservateur veut réaliser ce qu'on appelle un dossier d'œuvre pour acquérir une œuvre, c'est-à-dire un dossier qu'il veut présenter à sa municipalité pour obtenir donc les fonds nécessaires pour acquérir une œuvre, il va chercher ses informations dans la bibliothèque du musée. Si le commissaire d'exposition a besoin de préparer une exposition et donc d'avoir des renseignements sur une œuvre, là encore, il utilise la bibliothèque du musée. Donc, il est très important de savoir que le personnel des musées est le premier public de ces bibliothèques et que c'est un public, comme je disais tout à l'heure, qui est à la fois captif et décideur. C'est-à-dire que les acquisitions en bibliothèque sont d'abord régies par le personnel qui fournit des demandes d'ouvrages. Oui, c'est sur ce que tu disais à propos des conservateurs de musées et des commissaires d'expo qui utilisent la bibliothèque comme ressource. Est-ce qu'il n'y a pas, normalement, ou est-ce que c'est généralisé ou pas, aussi des centres de doc en plus de la bibliothèque qui sont intégrés Il y a des centres de documentation, mais ils n'ont pas le même rôle que la bibliothèque. Et les documentalistes utilisent la bibliothèque pour... Alors là, je ne connais pas trop les centres de documentation, parce qu'en l'occurrence, il n'y en avait pas dans la bibliothèque où je travaillais. Mais leur travail à eux, c'est par exemple de constituer des revues de presse. Ils travaillent davantage avec la communication externe qu'avec la bibliothèque. Donc leur rôle est différent et ils n'interviennent pas sur les mêmes plans. Donc la bibliothèque sert vraiment le musée dans ses recherches internes, dans sa mission scientifique. Le centre de doc, quand il y en a un, parce que moi je te dis en l'occurrence j'en ai pas vu, mais travaille étroitement avec la communication externe. Après je pourrais pas t'en dire plus sur les centres de documentation, mais effectivement ils n'ont pas le même travail. Mais le documentaliste utilise la bibliothèque. D'ailleurs il utilise autant que le conservateur ou le commissaire d'exposition. Donc par rapport aux prêts, il faut savoir qu'en général les prêts sont illimités pour les personnels des bibliothèques. Alors en ce qui concerne les autres usagers, parce qu'il y en a quand même, donc qui sont-ils ? En général, ce sont des chercheurs et des étudiants, parce que la bibliothèque de musée reste une bibliothèque de recherche, donc avec un niveau de collection assez pointu et scientifique. Donc c'est un public qui est toujours limité en général. Et si vous voulez vous-même aller dans une bibliothèque de musée, en général, il faut demander un rendez-vous ou montrer une accréditation ou votre carte de conservateur, évidemment, ça passe. La bibliothèque de musée est vraiment une source documentaire de premier ordre, justement grâce au catalogue, puisque là encore, elle détient le monopole en général des catalogues. Donc elle est vraiment une source de premier ordre de recherche pour les chercheurs. Faut savoir par exemple qu'en 1900, dans les années 70, lorsque l'art contemporain commençait à être un sujet de recherche dans les universités, aucune bibliothèque universitaire, enfin du moins peu de bibliothèques universitaires comportaient des catalogues en art contemporain. Et donc les étudiants et les chercheurs se ruer dans les bibliothèques de musées, et donc il faut vraiment là encore tenir compte du fait que apparemment les bibliothèques de musées complètent le fond des universités. Donc si certaines bibliothèques font le choix de s'ouvrir, ce n'est pas leur mission première, donc certaines ne le font pas, et elles en ont totalement le droit, puisque leur mission première est de servir le personnel des musées. Donc certaines ne le font pas parce qu'elles ne le veulent pas, tout simplement, mais parce qu'aussi parfois elles ne le peuvent pas pour des raisons de moyens humains ou de moyens financiers. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est donc la bibliothèque de Grenoble qui a un partenariat avec l'université. Donc elle a vraiment choisi de s'opposer comme un complément à l'offre universitaire. Moi, personnellement, je trouve que cette forme d'ouverture est très intéressante, dans la mesure où si elle est un défi quotidien, c'est évident, parce qu'il faut revoir les horaires d'ouverture. Donc il faut revoir les politiques d'accès aux collections, il faut mettre du personnel à la disposition de ce public qui est autre que celui du, que celui du musée. Il faut aussi faire comprendre aux conservateurs, enfin au personnel des musées en général, que du coup d'autres gens auront besoin des ouvrages, donc ils ne peuvent pas forcément les garder à vie dans leur bureau. Donc c'est un défi effectivement de s'ouvrir, mais je pense aussi que c'est un gage de vitalité pour ces bibliothèques, parce qu'il faut quand même savoir que ces bibliothèques, comme je le disais, sont souvent désertes, et qu'elles sont souvent considérées comme de simples appendices au musée. Et s'ouvrir, lorsqu'elles le peuvent bien sûr, c'est vraiment leur assurer une vitalité. Alors là, je pense à la bibliothèque du musée d'art moderne de Saint-Étienne, la bibliothèque Jean Lode, qui elle a fait le choix de s'ouvrir complètement. Donc si je ne me trompe pas, je crois qu'à partir de 16 ans, on peut aller dans cette bibliothèque sans accréditation aucune. Donc il y a aussi la bibliothèque André Chastel de Grenoble. Mais il y a aussi Kandinsky à Beaubourg qui demande une accréditation, mais en général c'est facile à obtenir, moi j'ai pu y entrer sans problème, ou la bibliothèque des arts décoratifs. Donc ça, ce sont des bibliothèques qui s'ouvrent réellement à une offre à un public extérieur. Pour finir très rapidement, moi je dirais que je crois vraiment en cette ouverture parce que non seulement, donc comme je le disais, elle assure une vitalité à ces bibliothèques, mais elle leur donne aussi une visibilité que ces bibliothèques n'ont pas, puisque moi la première, je n'avais aucune idée de ce à quoi pouvait servir une bibliothèque de musée, et elles sont souvent recluses, un peu en marge dans le musée. Donc je pense vraiment que l'ouverture permettra à ces bibliothèques de ne pas mourir d'inanition et de leur redonner donc une utilité et une visibilité aux yeux de tous. Voilà. Oui, Arnaud. J'avais une question sur le recrutement des personnels des bibliothèques des musées. En fait. Oui, donc il y a des conservateurs. Notamment à la Bibliothèque centrale des musées nationaux, évidemment, puisqu'elle gère les bibliothèques des musées nationaux. Par contre, en ce qui concerne les bibliothèques territoriales, donc des musées territoriaux, elles recrutent, donc c'est des recrutements locaux, et en général, ce sont souvent des vacataires, des contractuels, ce sont de toutes petites bibliothèques qui ont très très peu de moyens. Donc là, en l'occurrence, moi, de ce que j'ai pu voir, beaucoup de gens étaient des gens diplômés d'un DUT spécialisé donc en bibliothèque, mais pour ce qui est des conservateurs, je pense qu'il n'y a que la BCMN qui en recrute. Pour une raison de moyens, je pense également. Ouais. Moi, j'avais une question sur le statut de ces conservateurs. Est-ce qu'ils font partie du corps des bibliothèques ou du corps des musées ? Du corps des bibliothèques. Oui, oui, oui. Mais là, d'ailleurs, la directrice du, donc Madame Isabelle Le Man de Chermont, donc qu'on salue, qui est la directrice de la Bibliothèque centrale des musées nationaux, est conservatrice d'État. Elle a travaillé en bibliothèque publique. Elle est chartiste également, elle a une formation d'archiviste, enfin, elle a un cursus typiquement en bibliothéconomie. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, pardon, j'ai oublié de le préciser, évidemment, et même aux artistes, donc, parfois, oui, oui, évidemment. Moi, c'est juste un complément sur la bibliothèque Jean Lode, puisque j'y suis allé. Donc, pendant mon stage, j'ai rencontré Christian Gay, celui qui en est responsable. La bibliothèque Jean Lode à Saint-Étienne a été un peu pionnière dans l'essai de redéfinir la bibliothèque de musée en France. Et ça rejoint ce que tu disais sur la salle de documentation. En fait, la bibliothèque Jean Lode, c'est une bibliothèque purement publique, qui ne participe pas de l'activité scientifique du musée. Il y a un centre de documentation pour l'interne, et la bibliothèque Jean Lode est entièrement accessible depuis l'entrée, sans billet, etc. Et le projet de départ, c'était justement un outil. C'est-à-dire le musée d'art contemporain de Saint-Étienne, il est créé dans le milieu des années 80, dans vraiment un objectif de démocratisation, une ville industrielle, etc. Et la bibliothèque devait servir justement cette démocratisation en disant que finalement entre la population et l'art, il fallait le média de la bibliothèque et la bibliothèque devait servir à ça. Et en fait aujourd'hui, l'avis du responsable de la bibliothèque, c'est un échec. Et donc ils sont aujourd'hui dans une bibliothèque qui est pas mal, mais qui est abandonné par le directeur du musée et les autres conservateurs qui s'en occupent plus, donc un peu sans moyens, étouffé dans des locaux maintenant un peu inadaptés, et surtout sans public. Alors qu'ils participent en plus à un réseau très établi, notamment avec l'université, etc. Et c'est vrai qu'ils ont un souci de ce côté-là. Mais par contre, la tentative est renouvelée cette année avec le MacVal, donc en banlieue parisienne, qui a aussi une espèce de modèle assez récurrent des musées d'art contemporain à la rencontre de tous les publics, etc., et qui a voulu se servir d'un projet de bibliothèque aussi pour permettre l'accès de tous. Et notamment, je pense que sa spécificité par rapport aux bibliothèques Jean Lod ou les autres bibliothèques qui ont fait cette tentative, c'est de faire une bibliothèque aussi pour le jeune public. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une section jeunesse dans la bibliothèque du MacVal. Bon, maintenant, après, il faudra voir si ça a un vrai impact. Alors, petit changement. Tu fuis. Je vais vous parler des artothèques. Contrairement à Mélanie, moi, j'ai absolument aucune légitimité parce que j'ai jamais travaillé en artothèque, j'ai jamais été en artothèque. Mais c'était un sujet qui m'intéressait et donc, voilà, ça fait le sujet d'un Annecy parallèle. Donc, je m'excuse par avance si je ne peux pas forcément répondre à toutes vos questions. Je vous ai préparé. Je vous demande aussi votre indulgence parce que je me suis bien amusée avec le diaporama. Voilà. Donc, les artothèques, ce sont des établissements qui sont un peu marginaux. C'est pas très difficile de s'y intéresser parce que finalement, comme ce sont des créations récentes, la plupart fournissent beaucoup d'informations sur le web et donc, sans bouger de chez soi, on peut se renseigner très facilement. Les responsables d'artothèques sont des gens qui sont très joueurs et qui aiment beaucoup les jeux de mots. Donc, il y a beaucoup de slogans autour de l'art sans porte, l'art chez vous, mettre l'art chez soi, inviter l'art chez soi, etc. Donc, je vous ai fait un plan aussi très classique, hein, c'est quoi est-ce une artothèque, depuis quand ça existe, pour qui, pourquoi, comment, et comment ça fonctionne en gros. Alors, pour juste une brève définition, en fait, le dictionnaire Le Robert a introduit le terme en 1980, il le définit ainsi, de manière très utile, n'est-ce pas, organisme pratiquant le prêt d'œuvres d'art et de reproduction. Donc, je ne vais pas vous parler maintenant de toutes les artothèques, parce que déjà, avec les artothèques françaises, il y a fort à faire. Il en existe partout en Europe, sous le nom courant, en fait, d'Arts Lending Libraries. Ce qui nous renseigne déjà, en fait, sur la manière dont nos voisins lient eux aussi bibliothèques et prêts d'œuvres d'art. Donc, une artothèque, c'est en principe, étymologiquement, un lieu où l'on conserve des œuvres d'art. En réalité, elle est née sur le modèle des bibliothèques publiques, donc avec une mission de prêt. Alors, je ne sais pas trop si on doit dire, à ce moment, lecture publique, mais en tout cas, il s'agit de prêts. Donc actuellement, on trouve pourtant différents types d'artothèques. Le premier, donc, c'est l'artothèque virtuelle. On ne va pas s'y intéresser maintenant parce que voilà, il n'y a pas de notion de prêt. C'est une collection d'images qui est disponible en ligne et c'est uniquement visuel en deux dimensions. Le deuxième type d'artothèque, c'est le type associatif, donc à mi-chemin entre la sphère privée et la sphère publique. J'ai un exemple à vous donner. L'association À Fleur d'encre qui est basée à Paris et qui propose le prêt d'œuvres d'art et qui est évidemment centrée autour d'un seul artiste qui fait un petit peu sa promotion ainsi. Il faut savoir que c'est quand même assez marginal, mais on a d'autres cas un petit peu particuliers comme l'artothèque du Jura dont les collections appartiennent à une association qui s'appelle Artothèque et qui sont mises à disposition, dont le prêt est géré en fait par le centre départemental de documentation pédagogique du Jura. Le troisième statut, c'est un statut qui est pour le coup relativement courant, c'est-à-dire que l'artothèque est conçue comme une section, une partie d'un autre établissement, la plupart du temps d'ailleurs une médiathèque, donc une bibliothèque municipale, une maison de la culture, des musées même. Et le cas le plus courant, donc, c'est l'établissement public sur le modèle des BM, c'est-à-dire que le fonctionnement est semblable. Les artothèques du service public pratiquent le prêt comme un service complémentaire à celui qu'offrent les musées. Et elles défendent ce qu'elles nomment la valeur d'usage de l'œuvre d'art, mais on y reviendra. Il existe également des cas particuliers. Je vous en citerai qu'un, c'est le cas de l'EIUAC, qui est l'Artothèque universitaire de Paris 12 et qui constitue donc le seul exemple d'artothèque émanant du ministère de l'Éducation nationale, qui a été fondée donc en 1985 et qui a géré quand même jusqu'à 6000 œuvres d'un millier d'artistes. Donc l'inévitable, voilà, l'Artothèque du Jura, je vous disais, j'ai fait une petite capture d'écran, c'est une artothèque qui fonctionne bien, qui propose beaucoup de services en ligne, qui est un site interactif, qui propose de faire un diaporama, qui est très pédagogique en fait. Donc je vais vous proposer d'abord un petit historique. Le concept d'artothèque est né au début du siècle en Allemagne en 1906 dans un groupe d'artistes berlinois qui ont expérimenté un système de location pour faire circuler leurs œuvres chez les particuliers, mais en fait avec un but intéressé, c'était de vendre leurs œuvres d'art. Il y avait un système à l'époque qui existait qui était le crédit bail, c'est-à-dire que voilà, on louait l'œuvre d'art et on espérait fortement que l'œuvre soit achetée. Donc l'idée de formation à l'art par l'appropriation de l'œuvre sera développée à partir des années 1960-1970. Les expériences communautaristes et festives de cette époque agissent comme un laboratoire d'échange et de partage où l'idée d'art pour tous est mise à l'honneur. Donc c'est surtout vrai dans les pays du Nord, ça a été vraiment dans cette région que sont nées les artothèques et qui étaient déjà conçues comme des outils de politique culturelle. Dès 1972, par exemple, un sculpteur belge a lancé la galerie de prêts d'œuvres d'art à Bruxelles, qui est toujours en activité, qui s'appelle ainsi tout simplement Galerie des prêts d'œuvres d'art. Les premières artothèques sont apparues en France dans ces années-là. La première a été celle du Havre, qui a été fondée en 1960. Et la deuxième ville à s'y mettre, ça a été Grenoble, qui a été très active dans ce domaine, puisqu'elle en a fondé deux. La première est née en 1968 à la Maison de la Culture, qui s'appelait Le Cargo, et qui a poursuivi son activité jusqu'en 83. Et une seconde a ouvert en 1976 dans la bibliothèque actuelle de la Grand Place. Alors le jalon pour les artothèques en France, c'est vraiment 1982, puisque le ministre de la Culture Jacques Lang, qui va rester à ce poste pendant environ 10 ans, accorde des fonds importants aux projets liés à une certaine conception de la démocratisation de l'art. Alors à ce moment-là, des municipalités, des établissements publics, mais aussi des associations d'artistes se lancent dans le prêt d'œuvres. Il y a une personne qui a été importante, très importante dans ce mouvement, c'est Eliane Lecomte. Grâce à son expérience au sein de l'artothèque de la bibliothèque justement Grand Place de Grenoble, elle a été nommée comme chargée de mission au ministère de la Culture en 1981 et elle est à l'origine d'un projet ministériel qui favorise l'implantation des artothèques en France par le biais de conventions. Donc ces conventions qui engagent à parité l'État et une structure décentralisée, que ce soit associative, communale ou autre. Une autre étape, ça a été les déclinaisons locales du Fonds national d'art contemporain, que sont les FDAC et les FRAC, donc fonds départementaux et régionaux d'art contemporain, qui avaient comme vocation d'acquérir et de diffuser des œuvres contemporaines. Donc l'enjeu à ce moment-là est double, mais il est aussi complémentaire, c'est permettre aux artistes nationaux et locaux de répondre à une commande d'État et en même temps de réduire la carence en œuvres contemporaines sur l'ensemble du territoire, puisqu'il y avait des problèmes de répartition. Donc, que proposer et pour qui? C'est l'éternelle question des publics et des missions. Alors, le rapport à l'œuvre d'art, il faut le rappeler, se situe en principe soit dans un temps très court, soit dans un temps très long. Le temps très court, c'est l'émotion esthétique qui est brève et qui est recherchée par le biais, par exemple, d'une visite au musée. Ou alors, dans un temps très long, ça, c'est la création ou la possession de l'œuvre dans la logique du collectionneur. Le but de l'artothèque, en fait, c'est de créer un lien intermédiaire. C'est le plaisir du renouvellement décoratif, alors en même temps qu'une découverte lente de l'œuvre, la durée moyenne d'un prêt dans les artothèques françaises, c'est de 2 mois. Et également, donc, le deuxième but, c'est la familiarisation avec l'art, ça c'est plutôt un point de vue idéologique. Donc l'idée de l'artothèque, c'est celle toute simple de la démocratisation de l'accès à l'art. Démythifier un domaine qui est facilement vu comme hermétique ou du moins élitiste. Permettre un rapport physique, alors démocratiser le rapport à l'art, c'est tout d'abord oser en parler et s'y intéresser, ce qui n'est pas évident, et permettre un rapport physique et personnel à l'œuvre, puisque la toucher, la manipuler, la regarder sous différents angles, c'est pas forcément quelque chose qui est possible en musée, et également le fait d'y revenir à loisir, quand on accroche une œuvre chez soi, quand on peut la manipuler, c'est différent. Il s'agit également d'apprendre à la mettre en scène et à la mettre en valeur, que ce soit chez soi et seul, ou guidé lors d'ateliers organisés par les artothèques. Et certains sites internet montrent leurs œuvres photographiées en situation chez l'emprunteur. Et enfin, la dernière mission de ces artothèques, c'est faire connaître les artistes locaux ou le patrimoine vivant d'une région. Alors, il y a une idée actuellement qui est un petit peu dans l'air, c'est de créer des artothèques pour petits. Alors ça, c'est vraiment pousser la logique à l'extrême. Est-ce que c'est vraiment utile? Si vous vous souvenez, les DCB 15, de l'intervention de Violaine Canemaché en début d'année, elle nous avait présenté un livre qui était assez exceptionnel, un livre accordéon qu'elle avait déployé en amphi et qui avait été réalisé par un artiste et qui a été conçu pour stimuler les tout-petits. Le problème de ce genre d'œuvre, c'est que c'est cher et qu'il faut faire attention en le manipulant, etc. Et que le public des tout-petits, c'est quand même un public marginal. Donc le débat est ouvert. On peut penser que dans ce cas, l'image de l'établissement entre pour beaucoup dans le choix d'ouvrir ou non une section pour les enfants. Donc les trois publics ciblés par les artothèques françaises sont les particuliers pour un épanouissement personnel, les entreprises ou les collectivités pour l'affichage politico-économique que ça représente, et les établissements scolaires pour ce qui est de la sensibilisation et de l'éducation. Alors, la médiation est essentielle pour la plupart des responsables d'artothèque. L'accrochage et l'accompagnement sont deux phases particulièrement soignées par les médiateurs, indépendamment du suivi des contraintes de sécurité, d'assurance, tout ce qui concerne le bâtiment et les publics en eux-mêmes. La médiation permet de savoir ce qu'on attend de l'œuvre, de faire dialoguer le lieu et l'événement quand il s'agit d'expositions réalisées pour des collectivités, par exemple. Et l'accompagnement, d'après, là je cite une directrice d'Artothèque, l'accompagnement ne doit pas être ressenti comme une intrusion, mais comme une expertise personnalisée. Alors, qu'est-ce qu'on achète en Artothèque et est-ce qu'on se contente de faire des acquisitions et de prêter ? Alors, selon Pierre-Alain Four, qui est un responsable d'Artothèque également, s'agissant d'art contemporain, un art encore largement décrié, acheter n'est pas un acte anodin. L'acquisition, en fait, quand on achète une œuvre d'art, c'est le signe qu'on y croit. C'est bête, mais on considère souvent que l'art contemporain, c'est un achat qui est pas risqué, mais on consacre beaucoup d'argent sans être sûr du succès que ça va remporter. Pourtant, les collections d'une artothèque sont souvent moins connues que celles d'un musée, ou alors elles sont dépréciées. À ça, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la valeur d'usage qui les marginalise. Ensuite, elles sont presque toujours constituées de multiples, principalement des estampes qui sont perçues comme un support désuet. C'est vraiment une caractéristique des artothèques, et surtout en France, de constituer leur collection sur la base des estampes. Alors, les multiples, on entend par multiples toute technique artistique qui produit une œuvre en plusieurs exemplaires. Et en cela, les artothécaires font vraiment la différence entre un multiple et une reproduction. Oui. Dans les artothèques, on peut louer aussi emprunter aussi des reproductions. Ça dépend de la politique d'acquisition des artothèques, mais la plupart mettent un point d'honneur à acheter des multiples parce que justement les œuvres sont la même à chaque fois, mais numérotées. Et donc en ce sens-là, chaque œuvre est un original. Mais on peut également, certaines artothèques font le choix de ne pas se limiter à l'art contemporain, et à ce moment-là, elles ont des reproductions d'œuvres de grands maîtres et autre parce chose. Que, j'imagine que ça coûte très cher de monter une artothèque. Toutes les questions d'assurance, etc., d'organisation de l'accrochage, etc., se poseraient pas si c'était peut-être des reproductions. Oui, mais je pense que la politique de la plupart des artothèques, c'est justement de ne pas proposer un art, entre guillemets, c'est provocateur ce que je vais dire, mais un art au rabais. C'est pas leur politique, c'est vraiment d'acheter des œuvres originales et de le proposer au public avec les contraintes d'assurance que ça implique. Et est-ce que tu sais si celles qui proposent des reproductions, ça marche moins bien les reproductions que les gens empruntent moins les reproductions que les originaux ? Ben, c'est difficile à dire parce que je pense qu'aucune artothèque ne se contente d'acheter des reproductions. Donc ce qu'on disait à propos des reproductions, justement, c'est que la création actuelle évacue de plus en plus les notions de rareté et de préciosité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le développement de l'estampe a accompagné la démocratisation et la circulation des idées, dont elle a été un vecteur primordial. Quand on s'est mis à pouvoir dupliquer l'information, ça a été une révolution, vraiment. Donc c'est naturellement que dans les années 1980, les nouvelles artothèques ont construit leur fonds principalement sur l'estampe, qui d'ailleurs a pour vertu son faible prix par rapport à d'autres œuvres comme les œuvres sur toile ou les sculptures. Ensuite, il y a une idée reçue qui veut que les artothèques constituent leurs fonds uniquement dans une visée régionaliste. Mélanie nous a dit que, en fait, les bibliothèques, les musées et bibliothèques de musées se concentraient beaucoup dans les grandes villes, surtout à Paris. Les artothèques, en fait, sont disséminées sur le territoire et, de fait, il n'y en a pas beaucoup à Paris. En réalité, donc, l'exigence de qualité des artothèques neutralise cette critique qui leur est faite. Les directeurs combattent l'idée selon laquelle un art lointain, que ce soit lointain dans l'espace ou dans le temps, serait plus légitime que l'art local. Mais ils ne se fixent pas non plus d'objectifs de soutien aux artistes locaux. C'est pas du tout leur problématique. Donc la promotion qui est due à l'exposition dans une artothèque, c'est un effet qui est induit, mais qui n'est pas recherché par les responsables. Du moins en France, parce que par exemple à Montréal, l'artothèque de Montréal a clairement pour politique de promouvoir les artistes qu'elle a choisi de soutenir et d'exposer. Donc, pour les acquisitions, il y a deux écoles. Vraiment, les responsables ne sont pas d'accord sur la question. Il y a la technique qui est collégiale. Un comité d'achat est composé de professionnels de l'art contemporain. Certains refusent cette technique parce qu'une commission se rabat souvent sur des choix moyens qui sont issus de consensus. Et pourtant, c'est la méthode qui est encouragée par la délégation aux arts plastiques. Et donc la seconde méthode, c'est la technique qui privilégie le choix unilatéral du responsable de l'artothèque. Et à ce moment-là, c'est son implication, sa subjectivité qui garantissent l'unité de la collection. Les artothèques françaises acquièrent des œuvres et en cela enregistrent la création artistique, mais ensuite elles la mettent à la disposition du public. Cependant, certaines ne souhaitent pas en rester là et elles produisent des œuvres, elles accompagnent la création et elles éditent également de la documentation autour. Donc j'en viens à la question, question perspective, ce qu'on peut dire des artothèques actuellement. Les artothèques bénéficient de la curiosité des publics. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas courant, donc quand on en parle, les gens s'y intéressent. Elles rencontrent un succès croissant. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 40 et 50 artothèques en ce moment en France. Je parle uniquement des artothèques entre guillemets, de lecture publique, c'est-à-dire des artothèques municipales, des artothèques à la disposition de tous les publics. Certaines ont fermé, il y a eu des exemples à Montpellier et à Valence, mais ça reste quand même exceptionnel. Donc dans l'avenir, il faudra varier les supports, sachant que le stockage reste un problème tout de même. Varier les supports, ça permet d'expérimenter d'autres rapports à l'œuvre. Le textile, le livre d'artiste et le jeu sont, par exemple, des supports assez peu représentés dans les artothèques, et les responsables d'artothèques commencent à y penser. Il faudra également réfléchir à la formation des personnels, puisqu'actuellement, c'est vraiment dans le flou, il y a un peu de tout partout. Le problème de la légitimité de ces artothèques, c'est que, du fait de leur petit nombre, et du caractère vraiment original de leur démarche, il est parfois difficile de défendre leur aspect lecture publique auprès des élus. Ensuite, il y a la question de l'entretien. Alors, j'ai pas vraiment pu trouver de données sur ce point, mais on peut imaginer que les cadres, les sculptures, tout ça, c'est assez fragile. Et sur pas mal de sites, en fait, des artothèques, on fait mention des questions d'assurance, on fait mention des questions d'entretien, faites attention à ci, à ça. On voit aussi que certaines proposent, disent déjà sur le site, n'ayez pas peur, on vous fournit du matériel pour transporter, etc. On prend en charge, la plupart prennent en charge l'accrochage et l'assurance, en fait, le transport, pour ce qui est des collectivités, hein, pas des particuliers, évidemment. Donc, cette caractéristique, d'ailleurs, elle est... les collections, souvent... comportent des œuvres originales, même quand il s'agit de multiples, il s'agit d'œuvres originales dont la détérioration est en quelque sorte irrémédiable. Donc on peut évidemment dire qu'on va faire payer une amende, mais c'est pas l'option qui est choisie par les responsables d'artothèque en règle générale. C'est plutôt de dire que d'abord l'art doit être désacralisé, tant pis pour les accidents, finalement c'est le prix de la manipulation, et que ensuite c'est l'occasion de responsabiliser les publics, les emprunteurs et en particulier les enfants. Ensuite, il y a la question des champs d'action et des partenaires des artothèques. Alors, certains trouveraient naturel d'associer les artothèques aux musées plutôt qu'aux bibliothèques. En réalité, c'est vraiment le contraire. D'abord, à cause de l'activité de prêt. L'activité de prêt, c'est le cœur des artothèques. C'est pour ça qu'elles sont nées. Et c'est enraciné dans la tradition des bibliothèques et pas dans celle des musées. Donc, quand on ne connaît pas le fonctionnement des artothèques, on pourrait croire qu'elles constituent une sorte de... de pis-aller destiné aux régions qui manquent de musées et de galeries. Et d'ailleurs, la répartition géographique des artothèques pourrait confirmer, corroborer cette idée. Et en réalité, musées et artothèques ne sont pas du tout en concurrence. D'abord, elles ne visent pas les mêmes publics et elles n'ont pas les mêmes missions, ni le même fonctionnement d'ailleurs. Donc la différence ne réside pas dans la valeur des œuvres détenues, mais dans la politique de mise à disposition. Les estampes et les photographies qui constituent l'essentiel des collections des artothèques, ce sont des supports papier. Donc ça se rapproche du livre. Et enfin, les œuvres gagnent à être présentées accompagnées d'une documentation sélectionnée et d'animations variées. Et ça, c'est vraiment le cœur du travail des artothécaires. Et ça rappelle d'ailleurs celui des bibliothèques. Donc par contre, il existe ce que l'on nomme des fonds régionaux d'art contemporain, les FRAC, à leur fondation en 1983. Ils étaient constitués de collections dépourvues de lieux d'exposition, mais qui étaient destinées quand même à être prêtées aux collectivités. Juste pour vous citer un exemple, le FRAC d'Île-de-France est doté depuis 2002 d'un espace d'accrochage qui s'appelle Le Plateau et qui continue son action de prêt d'œuvre. Outre la collaboration avec des musées, des galeries dans la région, même à l'étranger, le FRAC Île-de-France participe à des projets pédagogiques qui sont initiés par des établissements scolaires et le catalogue de ses collections, qui est riche d'environ 800 œuvres, représentant 370 artistes, est accessible en ligne. Et en Seine-Saint-Denis, le Conseil général propose aux enseignants des ressources qui sont liées aux arts plastiques. Donc on voit, il y a plein de partenaires. Le Fonds départemental d'art contemporain de la Seine-Saint-Denis regroupe près de 400 œuvres de supports très variés. Il y a aussi des missions photographiques, il y a un fonds d'œuvres numériques, des vidéos d'œuvres numériques et de vidéos d'artistes. Il y a vraiment tout un tas de solutions pour travailler dans le domaine de l'art. En conclusion, je voudrais vous parler d'une association qui est née suite à un colloque qui s'est tenu à Caen. Il n'y avait pas vraiment de réflexion autour des artothèques. D'ailleurs, la bibliographie est extrêmement courte. C'est l'ADRA, en fait, l'Association de Recherche et de Développement sur les Artothèques. La présidente de cette association, c'est Claire Tanguy, qui est la directrice de l'Artothèque de Caen, qui est vraiment leader dans le domaine de la recherche sur les artothèques. Et elle a été créée en 1999 pour rompre l'isolement de ces artothèques dont on ne parle pas tant que ça, finalement. Donc l'ADRA propose un réseau de personnes, de structures qui est conçu également pour porter des projets communs. Donc elle est toute jeune, elle a été créée en 1999 et c'est la première action de cette association, ça a été de publier les actes qui ont servi vraiment de base à la réflexion sur les artothèques. Voilà, donc je vous fais grâce de la bibliographie. Du coup, il y a pas mal de sites qui sont intéressants. J'ai fait quelques petites captures d'écran parce que c'est intéressant de voir comment les artothèques présentent leur travail en ligne. On est surpris souvent de trouver des artothèques dans des endroits assez petits. Là, c'est Saint-Priest. Alors bon, ça peut être assez ludique. Ça, c'est l'artothèque de Vitré. C'est une des rares à mettre en ligne des images de leurs œuvres. Là, c'est un bon exemple, l'artothèque d'Angers, d'une intégration à un établissement de beaucoup plus grande taille. Le Nouveau Théâtre, c'est un établissement d'art contemporain. Et il y a énormément de choses en ligne. Et en fait, c'est intéressant, on a juste des dépliants au format PDF sur l'artothèque. La fameuse artothèque de Caen, qui propose un historique. En fait, comme ça a été le lieu du colloque qui a été à l'origine de la création de l'association, il y a beaucoup, beaucoup d'informations en ligne sur les artothèques en général et beaucoup d'informations également sur la médiation parce qu'ils sont très intéressés dans tout ce qui est animation autour des expositions qu'ils organisent, autour des activités également avec les scolaires. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse. L'artothèque de Grenoble, on a dit que Grenoble avait eu deux artothèques et qu'ils s'en sortaient très, très bien. Ils mettent des photos en ligne de ce qu'ils proposent. Le Ring, qui est l'artothèque de Nantes. En fait, c'est encore une fois une partie d'un centre culturel. Oui, le Ring Club, alors ça c'est très... Le Ring Club propose de parrainer des œuvres d'art. C'est une activité que ne proposent pas toutes les artothèques, mais Montréal et le Ring de Nantes proposent de parrainer une œuvre d'art. Le principe, c'est que vous l'achetez, donc vous la payez, et vous les laissez à disposition de l'établissement pour, à Montréal, c'est 3 ans, au Ring, je ne sais pas, et ensuite vous la récupérez. Donc vous la laissez à disposition du public pendant 3 ans, et ensuite vous la récupérez. Ça, c'est celle d'Auxerre. Il y a le volume d'informations qui est disponible sur Internet, c'est très, très variable. Souvent, c'est juste une page de présentation sur le site de la mairie. Et parfois, comme pour Caen, pour Auxerre, on trouve beaucoup plus de choses en ligne. C'est plus intéressant. Là, c'est Cherbourg-Octeville. Voilà, là, c'est typiquement, enfin, c'est juste, c'est très sommaire les informations qu'on peut avoir. On a même des fois pas forcément des informations sur combien ça coûte, quand est-ce qu'on peut y aller. Faut vraiment la trouver, quoi. Il y a du travail à faire sur la promotion de l'Artothèque, souvent. Là, c'est Sartrouville. Brest, qui propose également beaucoup de choses en ligne. La Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre, qui propose également pas mal d'informations historiques. Cette page, en fait, c'est intéressant parce qu'ils proposent une liste des auteurs qu'ils exposent. Et à chaque fois, il y a des fiches pédagogiques sur les artistes et sur les œuvres. Le lycée Antonin Artaud de Marseille, ça c'est intéressant parce que c'est la seule artothèque qui se tient dans un établissement scolaire. Et ça fonctionne très bien. Et ils éditent même ce qu'ils appellent les cahiers de l'artothèque qui reprennent des actualités sur ce qu'ils font eux, sur les activités et les projets qu'ils montent avec des artistes. Donc ils sont très actifs à Marseille. Celle de Cologne, alors on va faire un petit tour à l'étranger quand même, celle de Cologne, qui a une grosse page sur l'historique des artothèques. Celle de Montréal. Celle de Montréal, sa caractéristique, c'est de beaucoup s'intéresser aux échanges. Ils ont un programme de parrainage, je vous l'ai dit, et ils s'affichent vraiment pour la coopération et pour la promotion des artistes. Donc, à chaque fois, ils font le forcing sur prêtez-nous un artiste, on vous prête une exposition, et vice-versa. Enfin, ils éditent aussi beaucoup sur la question. Et ils proposent, si ça vous intéresse, il y a une liste, alors je ne sais plus exactement où elle est, mais il y a une liste des artothèques dans le monde. Donc chaque fois que vous en avez repéré une et puis qu'elle n'y est pas sur leur liste, ils vous invitent à donner leurs références. Il y a le musée des Beaux-Arts de Sherbrooke qui a une artothèque. Voilà, ça c'est pour Émilie. L'artothèque d'Helsinki. Alors là, j'ai pas trop compris, donc j'ai pas trop navigué dans le site, hein, on va dire. Oui, mais voilà, ça a bugué à ce moment-là. La page était en construction, je regrette. Celle de Bruxelles. Celle dont je vous parlais au début, qui a été fondée au tout début du siècle par un artiste bruxellois. Alors ça, c'est le site du CIPAC, le Congrès interprofessionnel de l'art contemporain, qui fournit beaucoup d'informations pratiques pour les gens qui veulent monter des artothèques ou qui veulent collaborer, qui veulent établir des partenariats dans le domaine. Il y a un annuaire des artothèques sur le site du CNAP, si vous ne voulez pas aller sur le site de l'artothèque de Montréal. Voilà, ça c'est l'image que je voulais absolument vous montrer. C'est le seul exemple d'artobus qu'on ait en France, qui est l'artobus de l'artothèque du Limousin. L'artothèque du Limousin, c'est un exemple un peu atypique, en fait, de collaboration. Et comme je vous l'ai dit, les collections appartiennent à une association et elles sont mises à disposition par un centre de documentation pédagogique. Alors, je tiens à votre disposition, n'est-ce pas ? La présentation PowerPoint. Je vous ai fait également, je ne vous la présente pas maintenant parce que ça serait quand même un peu long, une salade d'artothèque avec les informations c'est les sites que j'ai trouvé les plus intéressants et j'ai pas tout mis parce que, comme je vous ai dit, il y en a de 40 à 50 en France, même si toutes n'ont pas un site internet, il y en a quand même beaucoup. J'ai fait une sélection de liens, donc avec mes favoris, sur quand même pas mal de sites, si ça vous intéresse. Et je vais vous présenter juste rapidement un tableau comparatif des conditions d'utilisation, parce que je vous ai assez peu parlé des animations. Et quand même, les artothèques présentent un panel très varié d'animations pour leur public. Est-ce que tu sais quel est le profil des gens qui travaillent en artothèque ? Non, justement. En fait, les rares personnes à qui j'ai pu parler, elles m'ont dit que ça dépendait. En fait, ça dépend beaucoup des moyens. Mmh. Parce que suivant le statut des artothèques, elles ont plus ou moins de moyens. Et puis, ça dépend aussi des gens qui sont sur place. Parce que souvent, les artothèques sont créées parce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour s'en occuper. Donc, a priori, sans même parler de grade, de statut, ce sont des gens qui ont un intérêt pour l'art ou une formation Oui, du départ. Au départ. Mais je pense que c'est. Voilà, encore une fois, je ne suis pas très sûre de pouvoir bien répondre, mais je pense que souvent, pour travailler en Artothèque, il faut vraiment avoir une motivation de départ. Ce n'est pas un endroit où on atterrit. Et je vois très bien, par exemple, un bibliothécaire, enfin, j'en connais, moi, des bibliothécaires en art, en section art dans une médiathèque, qui serait vraiment partant pour s'occuper de quelque chose comme ça. Alors, comme je vous disais. L'animation, la médiation culturelle, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'action des artothèques. Elles proposent des choses assez variées. Donc les expositions, c'est vraiment le béaba, mais c'est des expositions qui sont dans ou hors les murs. C'est-à-dire qu'elles en font chez elles font des expositions virtuelles et elles en organisent pour des collectivités ou pour des entreprises. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un débat dans la profession sur les artothèques ou pas? Parce que moi, ça me pose un petit problème en fait. Je trouve ça à la fois très enthousiasmant, tu le sais très bien, puisque je te collais le sujet dans les pattes. Mais en même temps, vraiment, je me pose la question. Je me dis, si on veut donner accès à l'art, à la connaissance de l'art, et en plus, sachant que les bibliothèques n'ont pas toujours un budget énorme, pourquoi pas seulement des reproductions, en fait? Enfin, vraiment, je sais pas. Enfin, je sais que... Avoir une vraie œuvre d'art, c'est important, mais alors, on va me dire, oui, mais ça, on peut s'acheter une reproduction. Je suis désolée, enfin, on peut peut-être s'acheter une reproduction, on ne va pas s'acheter 25 reproductions qu'on met tous les deux mois, qu'on met sous cadre, etc. Enfin, je ne sais pas. Moi, je me dis que, finalement, pour moi, c'est un peu comme si, dans les bibliothèques, on disait... Enfin, je fais un peu de la provoque avec ça, si tu veux. Enfin, mais juste, je voudrais savoir s'il y a un débat là-dessus. Si, dans les bibliothèques, on disait, ben, on va vous louer... vous pouvez emprunter le manuscrit ou la première édition... plutôt que les éditions refaites, quoi. Je pense... moi, je pense pas qu'il y ait de débat, parce que pour avoir lu les actes du colloque de Caen et avoir lu ce qui est publié... Il n'y a pas grand monde qui publie sur la question. Il y a Bruno Carbone dans le BBF et il y a Claire Tanguy, en gros. Hein. Et ce que j'ai compris, moi, sur la question, c'est que vraiment, ça fait partie de la pédagogie autour de l'art et de l'art contemporain de dire aux gens... que une œuvre d'art, c'est pas forcément cher, mais une œuvre d'art, ça se respecte. Et du coup, là-dedans, fournir aux gens des reproductions, ça serait en quelque sorte ne pas leur faire confiance. Et je pense que c'est vraiment aux antipodes de la démarche des artothécaires. Vu comme ça, je comprends beaucoup mieux. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de débat chez les artothécaires. Ce que tu dis, Raphaël, ça relève pas aussi de la réception de l'œuvre et de la sensibilité propre à chacun? Est-ce que, enfin, je sais pas si du coup ça s'intègre à un débat professionnel plus qu'un des questionnements. Ah oui, non, mais là je suis d'accord, mais par contre tu fais la comparaison avec le manuscrit, pourquoi c'est mieux d'avoir un manuscrit qu'une... Oui, mais c'est ça qui te pose problème. En fait, maintenant, ce que dit Raphaël, j'ai pas trop d'avis sur reproduction ou pas, mais ce que je veux dire par la suite, ça montre quand même que je m'interroge un peu aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de reproduction, c'est-à-dire qu'il y a un objectif de démocratisation qui est clairement affiché, et le fait, en fait, qu'il n'y ait que de l'art contemporain et original, ça incite pas forcément tout le monde, en termes de public visé, à entrer dans l'artothèque. Parce que c'est pas forcément l'art le plus accessible, c'est pas forcément l'endroit où les gens se sentent les plus légitimes. Et donc je trouve qu'il y a un peu un côté paradoxal, c'est-à-dire d'un côté on fait une artothèque pour prêter des œuvres à tout le monde, et d'un autre côté on met que des originaux d'art contemporain, c'est-à-dire ce qui est finalement le plus difficilement accessible, ou en tout cas qui demande le... Enfin, où on va le moins facilement. Je vois pas très bien en quoi le fait que ce soit une reproduction, ça rend l'œuvre moins accessible. Ce qui est important, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que... l'idée qu'on se fait de l'art contemporain, c'est justement ça, c'est le côté hermétique et le côté difficile, etc. Alors tout le travail des artothécaires, et si on se pose encore la question, c'est que voilà, il reste du travail, hein, du point de vue de la promotion. Si les gens continuent de réagir comme ça, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'on voulait. Les artothécaires veulent dire oui, c'est quelque chose qui ne se comprend pas du premier coup d'œil. Oui, c'est quelque chose qui peut être hermétique. Mais oui, on vous le met à disposition. Et vous voyez, c'est pas compliqué. Et c'est tout le travail de médiation culturelle qui est autour. Et je pense vraiment que le fait de ne pas proposer, de choisir de ne pas proposer de reproduction, ça fait que les collections sont moins importantes. Mais que du coup, quand vous ramenez une œuvre chez vous, vous avez vraiment l'impression de ramener une œuvre d'art. Et pas quelque chose que vous pourriez acheter à la boutique de souvenirs. Mais je pense que... C'est une manière, Voilà, ouais, c'est une manière de dédramatiser le... Ouais. Mais surtout, c'est dommage que Raphaël soit parti, parce que sa question, comment dire, c'est un peu à côté, en fait. Parce que c'est dire, on ne prête pas la Joconde. C'est-à-dire, il y a d'un côté les musées qui donnent accès à des chefs-d'œuvre, et les artothèques donnent accès à des œuvres, tout simplement, des œuvres qui ne sont pas dans les musées, qui ne sont pas dans les collections publiques, et qui sont en fait simplement dans le marché. Or, la bibliothèque donne accès à des œuvres qui ne sont reçues que par ceux qui les achètent, les prêtent. C'est-à-dire, c'est exactement le rôle qu'elle a avec les autres médias, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas une substitution. C'est-à-dire que les œuvres qu'il y a dans les artothèques, c'est tout simplement des œuvres qui, normalement, sont simplement dans les galeries et sont achetées par des particuliers. Et les artothèques donnent accès à ces œuvres, très simplement, sans chercher, je pense... Enfin, moi, j'ai que l'expérience d'ici de la part Dieu, mais sans chercher, justement... un respect, c'est au contraire une désacralisation, c'est-à-dire c'est juste vous en faites ce que vous voulez, on vous la prête, vous la prenez pendant 2 mois, et c'est pas une histoire de respect, justement contrairement à la relation avec le musée, c'est juste vous l'avez chez vous, vous la regardez, vous la mettez dans vos toilettes, vous la recouvrez, vous en faites ce que vous voulez, il suffit juste de nous la rendre en 2 mois à peu près dans l'état dans lequel on vous l'a prêté. Mais surtout, donc je reprends vite fait ma réponse, parce que c'était la réponse à ta question, c'est-à-dire que les œuvres qui sont prêtées à les artothèques, c'est pas des chefs-d'œuvre, contrairement aux œuvres qui sont dans les musées. Or, ces œuvres. Non, alors je suis pas d'accord déjà. Pardon. Vas-y. Ben pardon. Si elles sont des artothèques, c'est qu'elles sont pas dans les musées. Non, mais sur regarder... le fait qu'elles ne sont pas des chefs-d'œuvre, c'est quelque non, chose. Non, après, c'est une appréciation, si tu veux. C'est juste. Un chef-d'œuvre, de toute façon, serait hors de portée d'une bibliothèque et ne pourrait pas être prêté. C'est aussi le problème du coût, c'est-à-dire qu'une œuvre n'a pas un énorme coût, nous avons pour l'assurance. Mais surtout. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je dis. Oui, ces œuvres n'ont pas de reproduction. Elles ne sont ni dans les collections publiques, ni dans les musées. C'est des œuvres qui ne sont accessibles que par l'achat d'un particulier dans une galerie ou directement dans l'atelier de l'artiste. Or, la bibliothèque les achète pour en donner l'usage à tout le monde. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'elle fait avec les livres, avec les disques. C'est pour ça qu'elle est entièrement dans son rôle. Pour ce type d'œuvres-là. Ceci dit, je pense que on a une réflexion sur ce sujet, mais la question ne se pose pas vraiment de fait, puisque les artothèques, pour la plupart, ont fait le choix. Et en fait, dans le tableau, vous verrez, enfin, il n'y a pas toutes les artothèques de France et de Navarre, mais il y en a quelques-unes, et il y a une colonne sur les supports. Et vous verrez que la plupart, ce sont des estampes ou des supports qui sont reproductibles. Et du coup, effectivement, ça dédramatise un peu la chose, parce que même si une estampe, une gravure, une lithographie, c'est une œuvre originale, d'un autre côté, il reste la matrice. Et ce sont des œuvres de moindre coût, et ce sont des œuvres qui, pour être originales, n'en sont pas irrémédiablement perdues si elles sont détériorées. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais... Une affection particulière avec la reproductibilité, parce qu'il y a une espèce d'écho avec leur collection, mais ça, c'est notamment avec la photo, puisqu'en artothèque il y a souvent beaucoup de photos, mais c'est tout. Et par contre, ce qui est intéressant, juste pour finir et pour ouvrir, tu as parlé des autres supports, il me semble avoir vu, alors je n'en suis pas sûr, mais qu'il y avait une artothèque récemment qui mettait des œuvres numériques. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que là, on est vraiment dans la médiation de nouvelles formes d'art, qui, pour le coup, est vraiment imperméable, parce qu'autant la photo et la lithographie, on ne peut pas parler d'imperméabilité, surtout vu les collections des artothèques. Mais par contre, sur l'art numérique et l'idée de prêter des arts numériques, c'est-à-dire des installations, je trouve ça assez intéressant. Je pense que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'une artothèque le faisait. Et là, toujours pareil, il y a une réflexion sur la bibliothèque, sur le support reproduit, mais je pense que c'est plus un écho par rapport à ses propres collections qu'une histoire de fragilité, de moyens, etc. En galerie, une sérigraphie est souvent plus chère qu'une croûte pourtant unique. Et moi, j'ai une question complémentaire à propos du public, parce qu'on a parlé du public visé. Je voulais poser une question à propos du public touché. Est-ce qu'il y a des études sur le public des artothèques, en gros, qui emprunte? Et question complémentaire, globalement, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne comme principe? Vu qu'il y a deux établissements qui ont fermé, je pense que si ça fonctionnait pas, ça fermerait. Enfin, Valence et Montpellier ont fermé, donc c'est que ça devait pas se passer si bien que ça. Des études sur la fréquentation, non. Je pense que si j'avais mieux préparé, j'aurais contacté certaines artothèques pour leur demander comment ça se passait. Mais comme je vous ai dit, la bibliographie, elle tient en même pas une page. C'est-à-dire que depuis le colloque de Caen, finalement, il y a eu deux articles dans BBF, quoi. Voilà. Mais bon, je pense qu'en s'adressant à quelqu'un comme Claire Tanguy, on peut avoir très facilement ce genre d'informations. Je voulais dire qu'à Pékin, à la médiathèque française de Pékin, donc. Je sais. C'est juste que dans cette médiathèque, ils rêvent de faire une artothèque, en fait. Mais juste à propos du public, c'est que le public qui cherche à toucher, là, pour le coup, c'est pas du tout un public... c'est pas dans une idée de démocratisation. Au contraire, ils essaient de toucher l'élite chinoise, alors les artistes, les banquiers, etc., les gens qui ont déjà un intérêt pour l'art, en mettant à disposition dans la bibliothèque ces œuvres-là pour les faire venir dans la médiathèque, en fait, parce qu'ils viennent beaucoup d'étudiants, etc., et eux, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir ben, justement des gens qui, comme on disait aujourd'hui, sont susceptibles de... Enfin, disons, sont force de décision dans le pays, quoi. Et donc, ils veulent mettre une artothèque, mais pas du tout pour la démocratisation. Certes, pour la promotion de l'art français, mais par contre, vraiment dans une visée de toucher l'élite, quoi. Tradition jésuite, dit-il. David Soré vient de faire remarquer qu'en Chine, la tradition jésuite est bien impliquée et que donc, c'est pas très étonnant. Voilà. Je t'en prie. Nunc est bibendum.